Yeehaw! I'm back in the saddle again. Out where a friend is a friend. Where the longhorn cattle feed on the low and gypsum weed. I'm back in the saddle again. Salut les gars. Mes épaules font ding dong ding dong ding dong. Oh, leurs chansons résonnent dans le matin clair. Car dans l'Ouest, la vie est assez simple. Sous le ciel du pays des cactus verts. Ayupi ahé, ahé, yupi ahé. C'est nous les plus terribles à l'Ouest du Rio. Oh oh oh oh oh oh oh. Qui le guette prendre un grand verre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, salut Miss Midi. Oh, en fait, on fait ce qu'on va faire. Le spectacle est formidable. Bienvenue à la Guénague. Heureux de vous voir. On va chasser vos soucis. Hey, salut Dingo, tu as l'air en plein fond. Bienvenue à la. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,